Amigas, amigos del mundo del sabor, pongan ustedes atención, y es que aquí comienza el sonido antillano e inigualable de Juan Miguel Cabrimol. ¡Agua, tambo! De l'univers, Mama Africa, écoute ma prière. Et oui, Mama, du soleil de l'Afrique, viens ma lumière. Ça c'est original, la même papa. Y sí, sí. A ver, Comme ça.